mais en pratiquant ce qu'on appelle une triangulation, hein, c'est-à-dire, hein, comme dans un triangle, on ne se contente pas d'une seule d'une interaction entre le chercheur et la personne, hein, qui fait l'objet de l'enquête, mais on essaie d'avoir un troisième terme. Alors le troisième terme, ça peut être, parfois quand on a beaucoup de moyens, une vraie équipe de recherche, un deuxième chercheur qui va être actif sur les mêmes terrains. Et en confrontant les observations, c'est un moyen peut-être de neutraliser des biais qui auraient été dus aux valeurs ou à la subjectivité d'un des deux chercheurs. Donc, trianguler, c'est rajouter un tiers terme au dispositif de recherche. Que ça soit un troisième chercheur, un deuxième chercheur, pardon, voire un troisième, si on a plein de moyens. Que ça soit, c'est l'exemple de monsieur tout à l'heure, combiner deux méthodes. Ça peut être combiner une méthode qualitative avec une approche plus macro de type quantitatif. Ça peut être très intéressant. Que ça soit combiner des espaces, ne pas faire tout, ça dépend du thème de recherche, mais on ne peut pas parler en généralité ici, hein, mais combiner, ne pas faire toutes ces enquêtes qualitatives sur le même espace, sur le même lieu, mais combiner plusieurs lieux si ça s'y prête, revenir sur son terrain plusieurs fois dans le temps, enfin, rajouter un troisième terme, que ça soit un terme temporel, un terme spatial, un deuxième chercheur, vous avez compris la logique, hein, donc essayer de trianguler le dispositif. Croiser les témoignages avec des faits. Ce n'est pas parce qu'on interroge quelqu'un qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'il raconte et ne pas s'être préparé à l'entretien. On y reviendra quand on parlera de l'entretien, mais un entretien, ça se prépare. Hein, si vous préparez, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai travaillé dans ma thèse sur la communication scientifique, j'ai rencontré plein de chercheurs. Donc, c'était une recherche sur les chercheurs. Et j'avais des entretiens avec ces personnes. J'essayais de voir un petit peu, peu importe le fond du truc, comment ils avaient publié, où ils avaient publié, sur quel sujet, est-ce que ça leur avait valu comme promotion ou pas dans leur carrière, etc. Donc c'était un petit peu voir comment la carrière des chercheurs était liée avec ce qu'ils ont publié ou pas publié. Bon. Donc ça veut dire qu'avant, les gens que j'ai rencontrés, avant d'aller les voir, j'avais quand même regardé leur bibliographie, j'avais essayé de lire quelques articles, j'avais un peu analysé les choses. Il ne faut pas non plus qu'ils me racontent n'importe quoi, j'ai une connaissance de ce qu'ils ont vraiment publié. Il ne faut pas qu'ils me racontent qu'ils ont publié une encyclopédie, s'ils ont publié une opinion dans le Soir. Déjà pas mal une opinion en soi, mais enfin, c'est pas la même chose. Bon, et je me souviens d'un chercheur, que je ne nommerai pas, qui n'est pas dans cette université, qui n'est même pas dans une université belge francophone, j'arrête les réductions là, mais cette personne, j'avais vu qu'elle travaillait toujours dans le même genre de cadre théorique. Et c'était toujours les mêmes auteurs, c'est assez fréquent, souvent les chercheurs ont leur cadre théorique, et je ne vais pas dire qu'ils y restent tout le temps, mais enfin, il y a des auteurs qu'ils apprécient plus que d'autres, et des cadres qu'ils apprécient plus que d'autres. Et dans le travail de ce chercheur, de ce professeur, il y avait un article qui n'avait vraiment rien à voir et où il citait constamment le sociologue français Bourdieu. Et ça m'avait vraiment surpris parce que les autres travaux de ce bonhomme n'étaient pas du tout dans la ligne sociologique de Bourdieu. Donc ça m'avait étonné. Et en entretien, des questions faciles, des questions agréables, la personne... Le but, ce n'est pas de mettre les gens mal à l'aise, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand c'est une question plus difficile, c'est bien de l'amener pas directement. Puis j'ai dit, tiens, je ne l'ai pas amené de manière compliquée, je dis... J'étais un peu surpris, vous avez aussi travaillé dans cet article-là avec un cadre théorique inspiré de l'habitus de Bourdieu. Enfin, peu importe. Bon, ok. Et je vois que le bonheur est un peu embêtant. Moi j'étais embêtant et lui un peu embêté. Et on tourne un peu autour du pot, donc on verra ça au cours sur l'entretien. On répète la question autrement, on essaie de l'amener à reformuler les choses. Et finalement, il apparaît que ce chercheur n'était pas vraiment l'auteur de l'article en question, mais que c'était. Un étudiant en mémoire qui avait fait un doctorat, je crois qu'il lui avait demandé l'autorisation, mais il en a fait un article sans citer comme co-auteur l'étudiant du mémoire. Et évidemment, l'étudiant avait un autre cadre théorique que le cadre théorique habituel du professeur. Et donc ce professeur avait utilisé l'article, sans doute avec l'accord de l'étudiant, pour écrire un article de plus, mais ce n'était pas son cadre théorique habituel. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, ça m'aurait échappé si je n'avais pas un peu étudié la production de la personne avant de la rencontrer. Si on va les mains dans les poches, grounded theory, puissance 10, moi je verrai la théorie après, ok, peut-être bien, mais ce genre de choses vous échappe. Donc il faut quand même préparer son entretien, il faut quand même, un minimum, ne pas se laisser dire n'importe quoi. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Et avec ça, je conclue la séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant de parler du TPM brièvement? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a raconté aujourd'hui? Non, ok, très bien. Alors, pour le TPM, alors en quelques mots, pour le TPM, ce qu'on peut dire, c'est d'abord qu'à la fin de cette session, de cette séance, on restera un peu plus tard. Un peu plus tard, quelle heure est-il? Maintenant. Oui, on reste maintenant parce qu'il est déjà un peu plus tard. Pour répondre à des questions plus individuelles. Si vous avez des problèmes plus individuels, des angoisses plus individuelles par rapport à cette TPL, on peut y répondre maintenant. De manière générale, ce que je dirais, c'est que ce qu'on vous demande dans cette TPM, en fait, c'est une version plus élaborée de la fiche que vous avez déjà remplie et envoyée à votre directeur de mémoire. Donc vous pouvez, et je vous y engage vraiment, reprendre la même structuration que ce qu'il y avait sur la fiche. Simplement, ce qu'on espère, c'est que depuis le moment où vous avez fait la fiche, vous avez lu davantage, vous avez un peu affiné votre réflexion, vous avez peut-être des idées de cas théoriques, peut-être ça sera plus clair après la séance de la semaine prochaine sur les cas théoriques, vous avez sans doute, et on vous le demande, l'idée d'un plan général du mémoire, mais ce sur quoi il faut insister, c'est que c'est complètement provisoire ce plan qu'on vous demande de faire. Il est clair que vous pourrez revenir sur ce plan et le modifier, même parfois, si c'est justifié, le modifier d'une manière importante. Mais donc ce qu'on vous demande et ce qui sera évalué, ce sont les différents points qui étaient déjà dans la fiche. Et par facilité, reprenez les intitulés de la fiche, je crois que c'est le plus simple, mais développez-les un peu plus en faisant part de l'état actuel de votre réflexion sur les différents points de la fiche. Je crois que, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Peut-être. Je vais essayer de parler aussi fort que toi. Peut-être ce que vous devez retenir, c'est que donc le TPM, en principe, vous avez à le remettre, je pense, le 18 avril, pour la grande majorité d'entre vous, c'est ça. D'ici là, on aura eu ensemble plusieurs séances sur donc, la problématique qu'on a déjà abordée la semaine dernière. Ici, davantage donc, les perspectives, paradigmes, épistémologie. Et on verra la semaine prochaine le cas théorique et ensuite on rentre dans différentes méthodes. En fait, ce qu'on vous avez à traiter dans le TPM, c'est justement ces questions-là, en particulier ce qu'on appelle dans le Vademécum une revue de la littérature, qui est en fait un cadre théorique. C'est-à-dire, c'est de voir quels sont les travaux qui existent déjà sur les sujets qui vous intéressent. Et de mettre en perspective, en fait, les théories ou les recherches qui ont déjà été faites, et de voir quels sont les points communs, les différences entre ces théories. Et de voir, en fonction de votre objectif de recherche et de votre question de recherche, quelles théories et quels auteurs vous allez potentiellement privilégier. Donc, retenez aussi que le TPM, c'est 15 à 20 pages maximum, incluant la bibliographie, incluant donc un résumé aussi un peu du contexte de recherche sur lequel vous vous interrogez, et que la partie revue de la littérature, c'est une dizaine de pages. Et qu'en principe, vous allez travailler ça justement dans l'un des travaux qu'on vous demande aussi dans le cours. Donc vous aurez déjà en fait fait plusieurs étapes préparatoires pour rédiger ce document. Donc c'est vraiment en parallèle au cours, on note, c'est à envoyer à votre promoteur, donc c'est directement avec lui que la notation se fait. Mais par contre c'est vraiment en complément donc avec ce qu'on voit ici, et c'est un prolongement, comme vient de dire Marc, de ce que vous avez déjà aussi travaillé cet automne pour la fiche. Donc c'est pas un truc qui sort du néant et que vous devez inventer de A à Z. C'est vraiment en continuité donc avec ce qu'on fait ici et ce que vous avez fait cet automne. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général un peu sur le TPM? Ou sinon, si c'est des trucs plus spécifiques, on est là, marquez-moi encore quelques minutes. Ok, alors bonne soirée.